J'aurais jamais dû accepter ça, putain, il me casse les couilles. Gnagnagna, c'est pas du cinéma mainstream, mais mec, ta communauté, mais qu'est-ce qu'elle est toxique! Que des gamins de 12 ans qui croient qu'ils sont cinéphiles parce qu'ils ont vu tous les Tarantino. Non mais putain, mais tout le monde sait que pour être cinéphile, faut avoir au moins vu les films de Godard, les films de David Lynch. Non mais ils font marrer. Ouais, moi j'aime beaucoup Inglourious Basterds. Ni, quelle bande de fils de pute. Ah, t'enregistrais là? J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Attends, mais t'enregistrais là? C'est le 28e jour du confinement, Enculé. et si vous n'avez pas de second degré ou que vous ne savez pas à quoi regarder ce soir, Ulysse vous conseille Goodbye Lénine de Wolfgang Becker. Donc, Goodbye Lénine, c'est un film sorti en 2003 qui est une comédie dramatique de 2 heures et qui est un film allemand. Oui, je conseille du cinéma allemand sur cette chaîne. D'ailleurs, c'est du cinéma allemand, mais l'acteur principal c'est Daniel Brühl, donc c'est pas chier. Le titre trop québécois de ce film, c'est Au revoir Lénine. Parce qu'on les aime, les Québécois. Il faut les citer de plus en plus. Faut les citer, les Québécois. Si on ne les cite pas au moins une fois par mois, ils explosent. Vraiment pas, vraiment pas, vraiment, j'ai vu des titres, j'ai failli vomir. Ouais, mais le 15, ils l'ont appelé bagnole là-bas. Ouais, grave. Putain, ça m'a fait dégoûter ça, enfin bref. Inglourious Basterds, ils l'ont appelé le commando des bâtards. Ouais. On va éviter de parler du Québec. Monsieur, on les aime. Goodbye Lenin, ça raconte l'histoire de ce qui se passe après la chute du mur de Berlin. Une famille qui vivait du coup dans l'Allemagne communiste, la RFA ou l'RDA, je sais plus. Si elle Merde. est communiste, c'est la RDA. De la RDA, merci beaucoup. Ils y connaissent mieux en histoire que moi alors que je fais allemand. Une famille qui habitait en RDA, et du coup, la mère est une grosse communiste, et suite à une manifestation, elle va finir dans le coma, avec une santé assez fragile, et pendant qu'elle est dans le coma, le mur de Berlin tombe, et donc l'Allemagne est réunifiée, et c'est-à-dire que toute la merde communiste, ça se barre, sauf que le fils ne peut pas apprendre à sa mère que le mur de Berlin est tombé et qu'ils ne sont plus en RDA, parce qu'elle a une santé fragile et que n'importe quel choc ferait qu'elle ferait un arrêt cardiaque et qu'elle mourrait probablement, ou qu'elle aurait des graves problèmes de santé. Du coup, avec un de ses amis, ils vont tout faire pour qu'elle continue de croire qu'elle est en RDA. Par exemple, en enregistrant des fausses émissions télé qu'il y avait en RDA à l'époque, ou alors en prenant les vieilles bouffes qu'il y avait de la RDA pour ensuite la remettre avec la nourriture capitaliste. Voilà, et c'est un film qui est déjà très très drôle. C'est un décalage entre les jeunes de la RDA qui découvrent toute la culture occidentale, mais également c'est un film qui est profondément touchant en fait. Je vous jure que vous n'allez pas sortir de ce film sans les larmes aux yeux. Si vous faites partie de ces personnes qui pleuraient devant un film, et si vous faites partie de ces personnes qui ne pleurent pas devant un film, je suis sincèrement désolé pour vous. Et c'est vraiment un film que j'apprécie beaucoup. C'est en allemand, hein, bien sûr, faut le regarder en VOST pour ce coup. La VF est absolument dégueulasse. Sachez que je ne le dis pas souvent, ça, parce que je suis un grand défenseur de la VF. Et oui, franchement, Goodbye Lénine, c'est une petite perle. Et voilà, je vous conseille absolument de voir ce film. La réalisation est géniale, le film est drôle, le film est touchant. Et il y a une scène où un Allemand va dans une boutique de films porno. Allez, salut! Ah si ça vous convainc pas, on ne sait pas quoi faire. Alors le film est disponible à la location et à l'achat sur Orange VOD et Canal VOD. Voilà. Ulysse, est-ce que tu aurais peut-être quelque chose à rajouter avant de terminer? Le film Making Glorious Bastard, clairement, j'aime pas une. Sauf la D'ailleurs, tête. je tiens à dire que voilà, Toujours. je le dis, hein, je suis un immense fan de Quentin Tarantino. C'est mon réalisateur Alors, préféré. J'ai vu tous ses films. Inglourious sache, Basterds est le plus surcoté. Voilà, c'est dit. je tiens à dire que le meilleur Tarantino, c'est Les 8 salopards. Je tiens à dire que ça se joue entre Boulevard de la Mort, Once Upon a Time in Hollywood ou Reservoir Dogs. J'aime beaucoup aussi Boulevard de la Mort. Là, putain, on a dérivé de fou. Mais la performance de Kurt Russell dans ce film est bandante. Mais genre, vraiment. De toute façon, dès qu'il y a Kurt Russell dans un film de Tarantino, c'est génial. Genre, Les 8 Et salopards, putain, la Boulevard de la Mort. violence dans Boulevard de la Mort. Bref, Boulevard de la Mort, ce sera, ça arrivera dans ce podcast. Je peux pas terminer ce podcast sans avoir fait une critique dessus. Mais pour l'heure, bah, on espère vous avoir convaincu de, enfin Ulysse, parce que moi j'ai convaincu personne techniquement, mais de J'ai même pas regarder Goodbye en fait, Lenin. espèce d'hypocrite. Et si c'est pas le cas, on se retrouve demain pour bah, une nouvelle recommandation d'Ulysse, parce qu'il est toujours là jusqu'à la fin de la semaine, hein, Ulysse. Et ouais, encore trois films.